d'avoir écouté le président Macron. Vous supplierez le mode de 24 heures. Oui, nous sommes là pour ça. Voilà. Allons-y, on va essayer de gérer. Bachi, à défaut de pleurer, on rit. On rit. D'abord, j'apprends que nous et M. Macron, nous sommes des frères et des sœurs. Ah oui, il l'a dit. J'apprends ça aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça se passe pour que je sois son frère et sa sœur, lui qui ne sait pas ce qu'on appelle avoir un enfant, et qui trouve que ce n'est pas important. Je l'ai dit ici, Fatidé, que la plus grande catastrophe qui a frappé l'Afrique depuis 50 ans, c'est le président Ouattara. Voilà la preuve devant vous ce soir. Voilà la preuve devant vous ce soir. Cette prétendue réforme, avant d'entrer dans le fond et de revenir, qui est censée, pour répéter M. Macron, parce que tout à l'heure, nous allons démontrer toute la grande escroquerie qu'il y a derrière. Nous allons démontrer que c'est l'une des plus grandes forfaitures que le monde entier connaît depuis que le monde est monde. On va démontrer ça. Nous allons démontrer que Macron est pire que De Gaulle. Il est pire que Foucault. Il est pire que tous les tyrans que la France a eu. On va démontrer ça. Mais avant, allons d'abord pas à pas. C'est-à-dire que cette l'écho est censé reposer sur 8 pays. Oui. Mali, Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, Guinée-Bissau. Très bien, Guinée-Bissau. Ils ont des présidents, non? Monsieur Macron a parlé de qui, là? Il a appelé le nom Ouattara combien de fois? Combien de fois a-t-il cité le nom de Monsieur Ouattara? Il n'y a pas d'autre président là-bas? Non, il est en face de Monsieur Ouattara. Non, non, non. Mais Monsieur Ouattara, tu non, non, non, non, non, non. Bachir, ne les aidez pas. Oui. On le prend au mot. C'est lui qui parle d'une réforme, l'écho, c'est votre pays. Mm-hmm. Voici les documents ici. Oui. Voilà. Et il a dit que c'est une réforme qui engage dans un premier temps. C'est-à-dire, d'après lui, parce que tout ce qui est d'accord là, c'est n'importe quoi. On sait ce qu'il y a derrière. D'après lui, c'est votre pays pour l'instant qui sont partants. Mm-hmm. Votre pays. Vous venez de les citer. Oui. Sur le pays-là, est-ce qu'ils ont des présidents? On est seulement sur la forme. Je n'ai pas commencé encore à dire. Je n'ai encore rien dit. On est sur les formes. Puisqu'un président comme ce monsieur est censé être normalement, civilisé. En tout cas, donc, tous les 8 pays, ils ont un président. Et c'est Ouattara bon, qui reçoit. Non, monsieur Ouattara n'est pas le porte-parole de ce président. Il n'y a aucune réunion où l'on désigne comme porte-parole. On est ici sur les formes, Bachir. On est dans un sommet du président qui prétend faire une réforme qui engage d'autres présidents, d'autres États. Mm-hmm. Vous comprenez ça? Il y a ce qu'on appelle les formes élémentaires en diplomatie. Ce sont les civilités diplomatiques. Et un monsieur comme ça qui est censé être civilisé, il est censé devoir le savoir. Sinon, il faut savoir à qui on a affaire, un petit sauvageon comme ça. Il faut savoir à qui on a affaire. Non, non, non, ne m'arrêtez pas. Je ne suis pas venu m'amuser ce soir, Bachir. On ne va pas utiliser ces expressions. Je suis en train de dire ce qu'il est. Je ne suis pas venu m'amuser ce soir ici. On ne va pas utiliser ces expressions. Écoutez bien. On ne va pas utiliser ces expressions. Bon, vous voulez me faire croire. Vous avez la parole. Vous voulez me faire croire que ce monsieur ne connaît pas les usages de la diplomatie. Vous parlez d'une réforme qui engage 8 pays. Pour parler comme eux, parce que c'est faux. En tout cas, on reviendra devant le débat. Qui engage le pays. Ces pays-là sont censés s'engager dans cette affaire. Ces pays ont des présidents. Mais vous dites à Mondo Vision que tout ça, on le doit à toi, M. Ouattara. Vous le citez au moins, vous de fois. Tous ces présidents alors qui vont suivre là, ils sont quoi? Ce sont les boys de M. Ouattara. Ce sont les sous-présidents de M. Ouattara. Ce sont ces laveurs de balayeurs de chambre. Alors, si jusqu'ici, personne des. C'est une question de forme. Si non. Nous restons sur la forme. Si oui. Jusqu'ici, aucun des 7 autres présidents n'a dit mot sur ce qu'a. Je vais donc vous dire pourquoi. Alors, oui, je vais donc vous dire. Ils sont d'accord. Je vais donc vous dire pourquoi. D'abord, liquidons sa thème. Il est venu faire la campagne de M. Ouattara pour un troisième mandat. Je ne commente pas ce qu'on appelle les formes démocratiques. Tous ces petits démocrates africains qui braillent à longueur de journée, sur le respect des mandats et consorts. Ce monsieur avait dit qu'il ferait un mandat, il partirait. Il a fait 2. Maintenant, il fait un troisième. Il a changé la constitution. Avec l'appui de la France, porté par la France. Et ailleurs, vous voyez le traitement qu'on réserve à d'autres présidents qui sont en pareille situation, c'est qu'on dit d'eux. Bon, ça, c'est le petit débat. Mais c'était pour dire à tous ces démocrates de la Croix qui se réveillent matin, midi, soir, qui racontent. De débattre autrement. Monsieur Bachir. Reste, sommes-nous toujours sur la forme ou on va dans le fond? Sur la forme. On est encore sur la forme. Mon cher Bachir, d'abord, on vous dit que c'est une réforme de la l'UMOA. Parlons comme ça. Oui. L'UMOA, oui. N'est-ce pas? Initialement, c'était pour la CEDEAO. Non, on dit c'est l'UMOA. D'accord. C'est ce qu'il dit. Oui. Tenons-nous à ce qu'il dit. Mais on parle du franc CFA dans son ensemble. Regardez bien le flou qu'il y a là-dedans. C'est-à-dire, en même temps, on fait pour qu'on dit que non. La France a fait une réforme historique du franc CFA. On revisite des accords vieux de 46 ans. C'est combien de pays? C'est combien de pays? 14. Plus de comment? Ça fait 15. Voilà. C'est-à-dire que, il vous dit qu'il fait une réforme, c'est la forme historique qui vante. Il dit que le compte d'opération est mort. C'est lui qui parle. Oui. Le compte d'opération. Mm-hmm. Le compte d'opération concerne combien de pays? Ça concerne seulement les 8 pays là. 15. Mais c'est mort pour ceux qui se sont engagés, président. Jusqu'ici, on va revenir d'ailleurs sur ça. Je vous vois venir, mais notons que la CEMAC ne s'est pas encore prononcée. Et donc, pour le moment, la CEMAC reste d'accord avec ce qui se passe. On va parler de la CEMAC en troisième partie de cette émission. Oui. Restons sur la huit. C'est lui qui parle, mon cher Bachir. Il dit que les comptes d'opération, c'est fini. Très bien, ça ne concerne pas le pays, la salle. Quand on parle de comptes d'opération, ça concerne tous les pays qui sont dans la zone franc. C'est-à-dire, ici, est-ce qu'on ne serait pas en train de voir c'est fini pour les 8 qui acceptent d'aller à l'écho? Dans ce cas, il ne parle pas comme il est en train de parler. Il dit qu'on est encore sur la forme. Mm-hmm. Quand quelqu'un veut se passer pour ce qu'il n'est pas, il force les traits d'un humanisme hypocrite qu'il n'est pas. Il nous dit qu'il veut aider la jeunesse africaine, qui sont ses frères et soeurs. Je vous ai entendu. Mm-hmm. Donc, il commence à mentir. C'est-à-dire, on nous parle tantôt d'une réforme qui concerne tous les pays qui ont signé l'écho. Tantôt, on nous dit que non, c'est le France CFA qui a changé. On a dit de faire une réforme historique. J'ai entendu votre jeunesse. J'ai entendu votre jeunesse qui dit qu'il y a marre d'une relation bizarre avec la France et consorts. Ce n'est plus votre pays là. Vous voyez l'amalgame? Ce n'est pas le fait du hasard. On va vous dire ce qu'il y a derrière. Pour aller encore plus loin, je suis toujours sur la forme. Hein. Quelqu'un nous dit, durant le Big Mal, il dit. C'est vous qui avez demandé. C'est vous qui avez demandé. Vous, c'est qui? Supposé plusieurs chefs d'État. En même temps, celui qui met en avant, c'est M. Ouattara. En même temps, il dit, c'est vous qui avez demandé. À votre demande, la France va garantir. Elle dit, la France n'a aucun privilège, c'est ce qu'il dit. Ne gagne rien là-dedans. Mais elle va garantir. À votre demande. Mais après, il dit, mais nous allons, la France va assumer ça avec vous. On est sur la forme, hein, les mots. La France va assumer ça avec vous. La garantie financière de l'Union, c'est la France. Non, c'est ce que ça veut dire. Oui. Laissons, je ne sais pas encore dans la technique. Oui. C'est sur les formes. Vous savez ce que ça veut dire? Vous nous le dites. Monsieur Ouattara est en train de jouer le rôle du traître historique du continent. Voilà. On le fait porter le chapeau. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il assume ça parce qu'il veut un troisième mandat. Puisqu'il a dit que c'est vous qui avez demandé. C'est vous qui avez demandé. Vous qui avez demandé. Bon, la France va quand même vous aider à assumer, mais c'est vous. C'est vous qui me demandez les garanties. C'est vous qui me demandez de maintenir la parité fixe. C'est vous qui demandez, c'est pas moi qui ai demandé. Mais je vais vous aider. Condescendance primaire de la France. Raciste. Mais c'est possible parce qu'il y a des gens comme Ouattara qui existent encore de nos jours. C'est là qu'il s'agit. Toujours sous la forme, M. Bachir. Et là, c'est ça qui est grave. Moi, je n'ai pas fait l'école d'économie. Dans le principe, quand je parle de ces choses-là, quand les gens comme ça, Ouattara nous a dit que le président Ouattara a dit qu'il était le plus grand économiste africain du siècle. Donc, demain, ils doivent nous enseigner l'affaire. Ça fait pratiquement 10 ans que nous on dit ici que le code d'opération, c'est un crime contre l'humanité. Que toute cette affaire-là, ces oripeaux coloniaux, c'est pire que ça. Cette garantie, le code d'opération, le franc CFA, c'est la colonisation et tout et tout. C'est mauvais. Pendant tout ce temps, M. Macron nous a dit quoi? Un, que celui qui n'est pas d'accord s'en aille. M. Ouattara nous a dit quoi? Que c'est une bonne monnaie. Il ne faudrait pas la changer. C'est une très bonne monnaie. Ouattara l'a dit plusieurs fois. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, M. Macron, président de la France, vienne répéter comme un perroquet ce que des petits Bandakali disent depuis 10 ans. Et que pendant les 10 ans, on nous a insulté, Bachir. Quand il dit Bandakali, je parle de tout l'équipe qui a combattu ici. Il s'est passé quoi? Nous, on est les illettrés. Il s'est passé quoi pour que le président de la France, c'est-à-dire que après avoir pendant 8 ans nié ce qu'on disait ici, quand on dit que le compte d'opération n'est pas bon, les Français montent au créneau, le ministre des Finances de la France, M. Macron est monté, le président Ouattara est monté pour dire que non, vraiment, vous dites n'importe quoi, moi j'ai fait l'économie, c'est une bonne monnaie et tout. Bachir, depuis qu'on change, on change ce qui est bon. Vous avez vu, on change une chose qui marche, on la change. Aujourd'hui, M. Macron a le courage de venir se placer à Abidjan et pour parler ailleurs, à la veille de Noël, comme par hasard. Vous pouvez nous dire que j'ai compris. Le code d'opération, c'est une honte. Je vais détruire ça. Vraiment, c'est une honte. Mais il va enlever ça. Le nom CFA, là, c'est une honte. On va changer. On va mettre l'écho. Vraiment. Vraiment, moi, je ne siégerai plus dans les banques centrales avec vous. C'est une honte. Bandakani et son groupe, tous ceux qui étaient ici, ils étaient comme nous étions, que nous sommes. Nous, on pensait qu'on se trompait. Et que vraiment, peut-être, nous, on l'a perdu. Hein. Il se réveille un matin, il découvre que tout ce qu'on dit depuis, c'est la vérité. Il vient répéter ça. Mon cher Bachir, nous sommes encore sur la forme. Très bien. Et ça aurait été, non, attendez, je peux finir. Ça aurait été un autre président africain ou quelqu'un d'autre. Bachir, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit ici, y compris c'était les Africains qui le poussaient, genre. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Mais c'est le président français. Et son sous-fifre, le président Ouattara. Donc pour l'instant, je termine par là. Je reviendrai encore pour d'autres choses. Tout à fait, vous aurez un autre tour de parole. C'est la France qui prend l'initiative, mon cher Bachir. Je voulais terminer par là. Tout ce que vous voyez là, c'est n'importe quoi. Très bien. C'est la France qui prend l'initiative. Pour une chose qui est censée ne pas la concerner, d'après ce que dit M. Macron, c'est la France qui prend l'initiative. Tout à l'heure, je viendrai démontrer que, on a juste changé le nom du franc CFA, on a mis le coup. C'est un nouveau franc CFA. Je vais démontrer qu'il y a un nouveau contrôle d'opération. Je vais démontrer que la parité fixe là. C'est-à-dire que je vais démontrer qu'on a changé le nom pour maintenir les structures fondamentales qui concernaient le franc CFA. Et ce sera... Et ma joie, c'est quoi? C'est que pour l'instant, l'Afrique centrale est à l'écart. Bon, alors, ceux qui ont longtemps... On va parler de l'Afrique centrale. On va parler de l'Afrique centrale. Comme je l'ai dit, ce sera en troisième et dernière partie de l'émission. Docteur Paul Bekima, comment vous appréciez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Cette annonce, doit-on la voir comme une victoire ou plutôt du surplace? Moi, je m'attendais à ce que M. Macron vienne en Côte d'Ivoire et dise « Je vous laisse votre CFA. Nous, la France, nous prenons une route différente. » Ça aurait été beaucoup plus décent. Mm-hmm. Déjà, c'est irrévérencieux à l'envers du Nigeria et du Ghana. Parce qu'ils veulent plus tard que le Nigeria et le Ghana joignent ce groupe. Oui. Et le Nigeria et le Ghana représentent à peu près 80% de l'économie qui va circuler dans l'écho. Mmh. On fait des annonces, on les exclut. Ça ressemble à un coup que la France a fait à l'Angleterre lorsqu'ils négociaient les accords agricoles au début de l'euro, de l'Europe, de l'Union européenne. Mmh. La France a exclu l'Angleterre de toutes les négociations parce qu'elle voulait prendre tous les avantages. Ça, c'est De Gaulle. Il ouvre la porte à un moment donné où l'Angleterre ne peut plus modifier les tests. Et voilà le piège qu'ils sont en train de tendre au Nigeria et au Ghana. Alors, est-ce que cette exclusion ne serait pas quand même normale, je mets ça entre guillemets, dans la mesure où le Nigeria et le Ghana restent quand même campés sur leur position, celle qui veut dire que, oui, pour une monnaie communautaire, pour une monnaie, que dis-je, commune, mais à condition que la France n'ait